Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Profitez de l'été pour jouer les chasseurs d'images sur notre région et particulièrement sur le territoire du parc naturel régional de Lorraine. C'est possible, plusieurs ateliers photos sont programmés sous différentes formes. Fabrice André, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide nature et photographe. Ce regard sur la nature, vous allez le proposer de le vivre de différentes manières. On va en découvrir quelques exemples, notamment des ateliers photos, un aventure game, voire même des stages photos avec le smartphone. Expliquez-nous un peu de quelle manière vous abordez ces ateliers-là. Oui, bon, j'accueille et j'accompagne sur la région Grand Est et plus particulièrement sur le lac de Madine et les étangs de la Chaussée, un large public pour découvrir la faune et la flore à travers la photographie. Et je propose plusieurs thématiques. Un aventure game, c'est un jeu expérientiel et immersif qui permet de découvrir les espaces naturels et les animaux qui s'y rattachent. Et donc aussi un atelier photo, débutant et confirmé, pour découvrir la photographie et aussi les espaces naturel. Et également donc aussi des stages photos pour celles et ceux qui voudraient juste avec leur téléphone portable capturer quelques photos de la nature. Oui, c'est pour rendre accessible, on va dire, la photographie. On dit que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi constamment. Et actuellement, c'est le smartphone. C'est vraiment, on dit même que c'est des photophones maintenant, tellement ils sont perfectionnés. Et on peut faire de très belles photos, notamment de paysages avec un smartphone. C'est essentiellement les samedis que vous proposez ces ateliers ? Alors les samedis en règle générale, donc tous les samedis matins de 9h30 à 11h30 aux étangs de la Chaussée, et sur réservation et sur demande spécifique, je peux me déplacer sur la région Grand Est. Je dispose de 5 boîtiers professionnels, donc d'appareils photo, que je mets à disposition des stagiaires pour une durée de 2 heures. Vous mettez à disposition déjà du matériel pour expérimenter pour les stagiaires ? Oui, tout à fait. Donc j'ai des paires de jumelles qui m'ont été prêtées par le parc naturel régional suite à une formation donc du parc. Et j'ai 5 boîtiers photo que je mets à disposition des personnes lors de mes stages. Ça fait quelques années maintenant que vous proposez ces ateliers nature sur le parc ? Alors j'ai commencé en 2016-2017 avec Aventure Game, Mystère de la Grande Roselière, sur les étangs de la Chaussée et sur le lac de Madine. Et là maintenant, tout doucement, je déploie un petit peu différentes activités pour vraiment que les gens se rendent compte de notre magnifique écosystème. Et la plupart du temps, pour ces ateliers, vous accompagnez combien de personnes en même temps ? Alors ce sont de petits groupes. En fait, c'est pour rester dans un esprit de qualité et de convivialité. On va dire entre 5 et 10 personnes. Pour les stages bien spécifiques photographie, c'est 5 personnes. Et quand c'est plutôt une promenade expérientielle et d'observation, on peut aller jusqu'à 10 personnes maximum. Et à partir de quel âge ? C'est un large public, ça va de 6 ans à 99 ans, ou et plus, soit. Il n'y a pas d'âge, en fait. Il n'y a pas d'âge. Et depuis ces quelques années que vous faites ces ateliers, vous êtes parfois surpris par les réactions, par les remarques des stagiaires ? Oui, les gens ne se rendaient pas compte du tout sur quel espace on se déplace, qu'on puisse observer autant de densité faunistique et floristique sur un si petit espace. Donc ils sont toujours émerveillés de cette sortie. Donc là, ces stages, on va pouvoir les découvrir tout l'été. Je suppose qu'il faut réserver sa place. Oui, il vaut mieux réserver quand même, on va dire, 15 jours, 3 semaines avant, pour pouvoir être sûr, parce que vraiment, les stages se remplissent vite. Et quand tu fais une sortie sur le lac de Madine avec le gros bateau 12 places, là, en une journée, c'est rempli. Pour parler un peu de votre passion, la photo, comment ça a commencé ? Alors, ça vient de très très longtemps. Je faisais, quand j'avais 12 ans, de la plongée avec mon papa. Et j'ai commencé à faire des photos un peu sous l'eau avec les petits appareils étanches qu'on vendait à l'époque, là, argentiques, jetables. Et tout doucement, j'ai été passionné par l'image. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 57 ans bientôt, je suis toujours passionné de photographie et de nature. Et d'aller même au-delà, en voulant partager votre passion à travers ces ateliers, comment c'est venu ? Donc je suis en double actif, je suis éducateur spécialisé dans un ESAT, et j'accompagne des personnes en situation de handicap, et j'ai ouvert un atelier de photographie il y a quelques années sur les étangs de la Chaussée où j'habite, et là je me suis dit, je vais offrir à un plus large public la possibilité d'observer le milieu naturel à travers la photographie, et c'est de là qu'est née toutes ces activités. Et depuis, vous vous êtes même professionnalisé, parce que je crois que vous avez maintenant plusieurs labels. Effectivement, je travaille en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Lorraine depuis quelques années, et je dispose maintenant donc d'un label qui s'appelle la Valeur Marque Parc. la qualité tourisme et Calinat. Ce sont trois labels de qualité pour accompagner et accueillir et accompagner le public. Voilà, la preuve qu'on sera bien accompagné lors de ces ateliers qu'on peut vivre donc cet été, particulièrement donc sur le lac de Madine. Pour retrouver toutes les informations, les différents ateliers, on en a cité trois aujourd'hui, mais il y a d'autres sorties possibles. Comment peut-on faire ? Alors, j'ai un Facebook, vous tapez Fabrice Guide ou Fabrice Guide Nature et vous tombez sur mon Facebook. Même sur Google Maps, vous tapez Fabrice Guide Nature sur Google et vous tombez sur mes pages. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce nouvel été sur le territoire du parc ? Que je puisse accompagner un grand nombre de publics pour leur faire découvrir notre magnifique région. Merci beaucoup, Fabrice André. Bonne journée à vous, au revoir.